Bonjour mes frères et sœurs, et bonjour mes chers amis, et nous continuons à étudier l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 13, et nous allons voir cette nuit qui fut très importante dans la vie de Jésus et des disciples. Notre bon Père du ciel guide-nous à travers ce grand discours, ce grand partage de la part de Jésus à ses intimes, à ses disciples. Je te rends grâce, je te loue, que nous avons reçu ces informations-là par les Écritures, par ta parole. Merci d'avoir pourvu pour des hommes et des femmes à travers l'histoire qui ont traduit la Bible dans nos propres langues. Merci de les avoir guidés, de les avoir conduits afin qu'on puisse avoir les grandes vérités qui nous révèlent que tu es le Christ, le Fils de Dieu, et que quiconque croit en toi a la vie. Amen. Nous sommes rendus au chapitre 13, comme je l'ai dit, et je vais essayer de vous mettre un peu dans le contexte pour qu'on comprenne bien où est-ce qu'on en est rendu. Le chapitre 13 se situe la veille de la mort de Jésus. Donc, nous sommes le jeudi soir. Jésus va être emmené devant le Sanhédrin durant la nuit, devant Pilate, crucifié à 9h et mort à 3h. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais le chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, ça se passe tout dans la même nuit. Donc, dans l'espace de 8-9 heures, Jésus va dire des choses, va déclarer des choses, va faire des prophéties à ses disciples, va faire des promesses aussi à ses disciples. Donc, il faut bien comprendre que pour l'apôtre Jean, cette nuit-là auprès de son maître, auprès du Seigneur Jésus, fut très importante pour le convaincre que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Souvent, on utilise ces passages-là pour toutes sortes de raisons en théologie. Mais on va essayer de se restreindre, autant que la grâce de Dieu va nous le permettre, essayer de se restreindre à ce que Jésus voulait dire à ses disciples à ce moment-là et pourquoi il leur a dit cela cette nuit-là. Pourquoi il n'a pas commencé à leur dire trois ans avant? Il leur a dit cela cette nuit-là. Donc, l'apôtre Jean va utiliser presque la moitié de son évangile pour la dernière semaine de la vie de Jésus. Le tout commence le soir où est-ce qu'on va prendre le repas pascal. Jean va l'emmener avec un angle différent. Il ne parlera pas de la coupe, il ne parlera pas du pain, il ne parlera pas de l'alliance, il ne parlera rien de ça. Il va nous emmener cette soirée-là avec une autre option, un autre angle. Et l'angle du Seigneur Jésus-Christ pour qu'on comprenne qui il est. Au verset 1 du chapitre 13, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et a aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Nous sommes juste à la fête de Pâques, avant la fête de Pâques. Juste ce moment-là où la Pâque va être célébrée en Jérusalem et dans le temple. Mais Jésus va mourir le jour de la Pâque. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, il va mettre le comble à son amour. Donc, hier, il a dit lui-même de sa propre bouche, Jésus a dit, « Mon heure est venue » ou « L'heure est venue pour le Fils d'être glorifié. » Ici, c'est Jean qui conclut, après cette nuit-là avec Jésus, avec toutes les paroles que Jésus va dire, tous les enseignements qu'il va donner, Jean va conclure que Jésus savait que ce soir-là qu'il était pour mourir le lendemain. Avec tout ce qu'il va dire, il va conclure, Jésus sachant qu'il était temps de partir de ce monde et de retourner auprès de son Père dans le ciel, va faire quelque chose. Il est à l'extrême, donc il s'est terminé. Donc, s'il veut faire de quoi, s'il veut mettre un comble, c'est maintenant ou jamais. Donc, il va mettre le comble à son amour. Et le comble à son amour, ce n'est pas de laver les pieds. On va voir cela. Le comble de son amour, c'est la croix. C'est d'accepter la mort. C'est d'être séparé de son Père. C'est de se prendre sur lui les péchés. Il va mettre le comble à son amour en leur révélant la grandeur de sa personne à travers la croix. Parce que l'amour n'est pas seulement la croix. La croix, si on la voit juste comme un moyen de sauver ses fesses de l'enfer, c'est pas ça. L'amour me révèle la personne de Dieu et de Christ. C'est ça son amour. Son amour, c'est « je te révèle qui je suis à travers la croix et le sacrifice et ce que je vais faire ». Son amour, c'est toujours qu'il se révèle à nous. Ayant aimé les siens pendant les 3 ans, il va maintenant révéler pendant la nuit et le lendemain à la croix, il va révéler encore plus sa personne à ses disciples qui vont le révéler ensuite ça à l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce souper pascal? Qu'est-ce qu'il va dire et faire qui va ébranler les disciples jusqu'à un certain point, amener une certaine confusion chez eux, mais il va les amener à comprendre et avec l'aide de son esprit, ils vont saisir les grandes vérités que Jésus a dites. Au verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que le Père remit toutes choses entre ses mains, qui étaient venues de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignait. Au verset 2, Jean nous dit, pendant le souper, alors que le diable avait déjà, comment est-ce que Jean sait que le diable avait déjà mis à cœur à Judas de livrer Jésus? Jean va comprendre cela avec les paroles que Jésus va dire durant le repas. Jean va conclure que à cause des paroles que Jésus va dire à Judas, c'est que Judas avait déjà fait le plein d'aller livrer Jésus aux autorités. Parce que quand il va dire à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Il ne lui dit pas quoi faire, mais Judas sait quoi faire. Il sait qu'il est démenti, il sait qu'il est dévoilé, et il va aller faire ce qu'il avait déjà mis à cœur de faire, ce que Satan avait déjà mis à cœur à Judas de faire. Donc c'est comme ça qu'il va venir, qu'il sait que Judas avait déjà planifié avant le repas de livrer Jésus. Il ne savait pas tout à fait quand le faire, mais Jésus va l'aider va lui dire quand le faire. OK? Quand le faire. Donc, Judas avait déjà décidé de livrer à la mort. Donc, Jésus sait qu'il va mourir. Jésus sait que Judas va passer à l'action cette nuit-là. Et au verset 3, il dit, « Sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains et qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. » Donc, il sait que le Père lui a donné toutes choses entre ses mains. Quand que nous, on dit à quelqu'un, « Je te remets tout ça entre tes mains », c'est-à-dire, « Je te laisse prendre les décisions, je te laisse faire ça comme tu veux. » OK? On a un plan commun, puis je te laisse ça entre tes mains. J'avais un plan à faire, et je t'ai délégué la responsabilité, je dis, « Fais-le maintenant comme tu voudras. » Mais depuis quand est-ce que Dieu lui a remis entre ses mains? C'est la deuxième fois, je crois, qu'on voit ça dans l'Évangile de Jean. Je crois que depuis qu'il était venu dans le monde, et que jusqu'à temps qu'il va remonter dans le monde, Dieu a remis toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus. C'est lui qui guide la barque. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui fait arriver les choses. C'est lui qui conduit les choses pour sa propre vie. C'est pour ça qu'il va dire, personne ne m'enlève la vie, même pas mon Père. C'est moi qui vais la donner ma vie. Quand je veux, comme je veux, au moment que je veux, à la façon que je veux, je vais donner ma vie. Pour la raison que je veux, c'est d'accorder la vie et de glorifier mon nom et celle du Père. Sachant que cela, il fait une décision assez étrange après ma mort. Il se lève, revêt, enlève ses propres vêtements, parce qu'il va faire quelque chose qu'il croit qu'il peut, faut qu'il les enlève pour réussir à faire la tâche qu'il veut faire, et il se ceint. Donc, il prend un linge assez long, parce qu'il va mettre, il va en faire comme une ceinture, mais ça va, je crois que ça va descendre assez long, assez loin, pour qu'il puisse s'en servir, parce qu'on va voir qu'il va s'en servir pour essuyer les pieds des gens, de ses disciples. Donc, drôle de décision, sachant qu'il va mourir, sachant que la mort s'en vient, il prend la décision de laver les pieds. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire par là? Parce qu'il va utiliser cet événement-là, cette leçon de choses-là, pour leur enseigner qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. OK? Il y a le même but, là. Plusieurs vont prendre le texte qu'on va lire pour autre chose. Je crois qu'on se trompe des fois. On l'utilise mal, le texte. On va lire verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus commence à laver les pieds des disciples, il arrive à l'apôtre Pierre, et Pierre est le genre à dire ce qu'il pense. Il dit, « Seigneur, non, tu ne me laveras pas les pieds. Ce n'est pas ton rôle de nous laver les pieds. Tu es le Seigneur, donc je ne veux pas. J'ai honte que tu fasses là. » Ils savent très bien que c'est eux qui auraient dû bouger pour laver les pieds. Mais les autres sont trop fiers, sont trop orgueilleux pour faire ça, là. Mais Jésus dit, « Je vais le faire. Je vais te laver les pieds. » Et Pierre, il veut pas. Mais Jésus lui dit, « Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, Pierre. Tu ne comprends pas maintenant pourquoi je le fais. Mais tu vas comprendre bientôt. » Mais ça veut dire qu'il est en train de lui passer quelque chose d'un message. Parce que comprendre de lavage des pieds quand on rentre dans une maison pour pouvoir manger, c'est pas dur à comprendre. OK? Mais ce qui est dur à comprendre, c'est que le Seigneur le fait. OK? Ce qui est dur à accepter, c'est que le Maître, le Seigneur, le fait. Ça, il y a de la misère à accepter ça. Il dit, tu vas comprendre que pourquoi moi, le Seigneur, je t'ai lavé les pieds. Pierre lui dit, non, Seigneur, je ne veux pas. Et là, Jésus dit au verset 8, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras aucune part avec moi. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Tu n'auras pas de part avec moi dans quoi? Dans ce que je suis en train d'accomplir. Tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume que je suis en train d'accomplir. Tu n'auras pas part avec moi avec la vie. Donc, comment est-ce que le fait de laver les pieds de Pierre, de se faire laver les pieds par Jésus, ça va l'amener à participer à ce que Jésus est en train de faire? C'est un peu étrange. Tout au long, il nous a dit que c'est par la foi. Si on croyait qu'on avait la vie, qu'on participerait au royaume de Dieu. Simon-Pierre, comme toujours, dit, « Ben, Seigneur, OK. » OK, d'abord, je veux tellement participer à ce que tu es en train de faire. Lave-moi au complet. Les mains, la tête, le pied, tout. Jésus dit au verset 10, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur, mais non pas tous. Donc, il dit, Pierre, j'ai pas besoin de tout te laver, là. C'est un symbole que je suis en train de te donner, là. Il dit, vous êtes déjà pur. Mais vous n'êtes pas entièrement pur. Mais on sait très bien que laver les pieds, ça purifie pas spirituellement, du moins. Et on est assez intelligent pour savoir que Jésus est en train de parler spirituellement. Là. Vous n'êtes pas tous purs. Là, on sait qu'il parle de Judas. Vous n'êtes pas tous purs. Il dit, vous êtes purs, mais pas entièrement purs. Il y en a un qui n'est pas pur parmi vous. Donc, de quoi il parle? Comment est-ce qu'ils ont été lavés? Parce que là, c'est la première fois. On n'a pas vu Jésus, dans le restant de l'Évangile, laver les disciples à tout moment, lui laver la tête, lui laver les cheveux, lui laver les mains, lui laver le corps. On n'a pas vu Jésus les laver ailleurs. Donc, il les a certainement pas rendus purs en les lavant quelque part pendant ces 3 ans. Donc, cette pureté dont il parle, comment l'a-t-il accompli chez les disciples? Je vous fais la suggestion et on va voir qu'à travers la nuit, ça va être ça, je pense, la meilleure interprétation. Il les a rendus purs par l'enseignement qu'il leur a donné et par l'enseignement qu'ils ont cru de lui. Il leur a présenté le Père et lui-même. Il leur a présenté qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Il leur a présenté qui il était et qu'il était descendu de Dieu et tout cela. Mais il dit, il vous manque encore de l'information pour que vous soyez entièrement pur. C'est ça que je vais vous dire, c'est ça que je vais faire pour que vous deveniez entièrement pur. Mais il y en a un parmi vous qui, lui, il a reçu l'information, mais il n'a jamais été purifié par mon information parce qu'il ne la croit pas. La preuve, c'est qu'il va me livrer. Il n'a jamais adhéré. Il n'a jamais accepté ce que j'ai dit par rapport à moi-même. Il n'a pas confiance en moi. Il veut me faire mourir. Au verset 12, « Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remet ses vêtements et dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Mais ils ne comprennent pas plus que Pierre. Mais il dit, « Moi que vous appelez maître et seigneur » au verset 13. Et vous dites bien, « Je le suis, je suis le maître et le seigneur. » Mais je vous ai lavé les pieds. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Est-ce que Jésus est seulement en train de nous donner un bon truc, une bonne façon, une bonne leçon? Maintenant, là, faites-vous du bien les uns les autres, comme certaines églises ont commencé à se laver les pieds, et d'autres ont commencé à se faire des bonnes œuvres les uns aux autres pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. D'autres s'humilient auprès des pauvres, auprès des malades, pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pas ça qu'il est en train de dire. Moi qui est le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. OK? Je vous ai lavé les pieds pour vous montrer. Ça vous dérange, ça vous surprend que le Seigneur fasse cela. Mais, je mets que vous feriez la même chose que moi, les uns envers les autres. Si le lavage des pieds, c'est symbole qui les a lavés en enseignant, c'est l'enseignement qu'il leur a donné qui les a rendus purs et qui va continuer à les purifier complètement, et qu'ils croient finalement que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'ils reçoivent la vie en son nom, et j'aimerais que vous fassiez cela les uns envers les autres. On va y revenir vers la fin du chapitre, si vous voulez bien. Et nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 16 et 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que les pratiquiez. » Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir leur dire? Je vais le résumer, parce que mon temps est presque écoulé, et je vais y revenir demain. Je vous ai, moi le maître, lavé les pieds. Mais après que j'ai terminé de vous laver les pieds, je suis encore votre maître et votre seigneur. Le fait de vous laver les pieds et de faire quelque chose qui est, selon vous, j'aurais pas dû faire, ça ne change pas ma position. Ça vous rend pas plus grand que moi à cause que je vous ai lavé les pieds. Le serviteur ne sera jamais plus grand que son maître, peu importe les actions du maître. Et l'envoyé deviendra jamais plus grand que celui qui l'envoie, peu importe les choses qu'il va faire pendant qu'il est envoyé. Ce qu'il est en train de leur dire, de vouloir leur enseigner, c'est que je vais faire de quoi demain? Je vais me livrer à la mort, je vais me livrer aux païens, je vais me livrer aux martyrs, si je peux dire ça comme ça, je vais me livrer à prendre votre place, je vais m'humilier, je veux dire, jusqu'à la mort à la croix, mais ça change pas qui je suis. Je suis encore le Maître et le Seigneur. Je suis encore le Messie, le Fils de Dieu. Parce que pour eux autres, le Messie qui meurt, le Messie qui va se faire mettre en croix, ils ont de la misère à accepter ça. On l'a vu dans le chapitre 12. Comment peux-tu dire que tu es le Messie et en même temps tu vas mourir? Et en plus, tu vas mourir sur une croix. Tu peux pas être le Messie. Il dit, je suis ce que je suis. Ce que je suis ne veut pas être alterné par les actions que je fais. J'étais le Messie divin et le Fils de Dieu avant la croix. Passer à la croix ne changera rien là-dedans. Donc, ce qu'il veut les préparer, c'est de les préparer à accepter que le Maître, le Seigneur, va aller bien plus loin que de laver les pieds. Il va aller jusqu'à la mort infâme de la croix pour qu'il puisse comprendre qui il est et qu'il puisse avoir la vie. Je vous reviens là-dessus demain. Notre bon Père du ciel, bénis bénis ce temps qu'on vient de voir, bénis cette grande vérité que la mort de Jésus ne va pas changer qui il est, ne va pas lui enlever sa divinité et sa grandeur, le fait qu'il est le maître et le Seigneur. Au contraire, ça va nous montrer sa grandeur, ça va nous montrer la grandeur de la seigneurie qu'il est et la grandeur de sa divinité à travers la croix. Donc, aide-nous à bien comprendre cette vérité. Amen.